الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، chers auditeurs, nous commençons aujourd'hui la lecture et l'explication du livre de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala intitulé « Kashf al-Shubuhat » la dissipation ou le dévoilement des ambiguïtés. Et l'étude de ce livre s'inscrit dans la continuité de la série de livres sur le Tawhid, sur l'unicité d'Allah, que nous avons déjà étudié auparavant par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, nos professeurs et nos mashayikhs, ainsi que les savants de la sunnah, ont pour habitude d'enseigner différents livres sur la science du Tawhid, en commençant généralement par des ouvrages concis comme les trois fondements, les quatre règles, les six fondements, ou encore les annulatifs de l'islam, puis ils font généralement suivre cela par l'étude de deux livres d'une grande importance qui sont Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, et Kashf al-Shubuhat, dissipation des ambiguïtés, c'est-à-dire des ambiguïtés autour du Tawhid. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons déjà pu étudier ensemble tous les livres précédents, à commencer par les trois fondements, jusqu'au livre de l'unicité. Et les enregistrements de tous ces cours sont disponibles sur le site walillahilhamd walminna. Et c'est pour cela que j'ai tenu que l'on clôture cette série par l'étude de ce livre qui est d'une grande importance pour tout musulman soucieux de rester ferme sur la croyance authentique et soucieux de ne pas dévier ni être touché par des doutes ou des ambiguïtés en ce qui concerne les bases de la croyance. Le titre de ce livre est donc « Kashf al-Shubuhat », que l'on a traduit par « dissipation des ambiguïtés ». « Al-Shubuhat », c'est le pluriel du mot « shubha » en arabe, ce mot qui est traduit par « ambiguïté ». Et le mot « shubha », il désigne une chose confuse, une chose qui ressemble à la vérité. Mais on n'arrive pas à savoir si celle-ci est vraie ou si elle est fausse. Et c'est pour cela qu'elle a été appelée Shubha, en raison de son ishtiba, de sa ressemblance à la vérité. Elle comprend souvent une part de vérité qui est mêlée au faux afin que ce dernier soit accepté. Et c'est pour cela que certains savants ont dit que la Shubha, on pourrait la comparer à un vêtement qui représente la vérité. Et ce vêtement, il est posé sur un corps qui représente le faux. Et comme beaucoup de gens ont une vision limitée, un manque de connaissances, un manque de science, ils se laissent souvent tromper par les apparences et croient en l'authenticité de cette fausseté qui n'est en réalité que revêtue d'un vêtement ou d'un voile de vérité. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc voulu à travers ce livre retirer ce voile. Retirer ce vêtement afin de nous démontrer la fausseté de ces ambiguïtés et de clarifier la vérité, dissiper le faux et les ambiguïtés à son sujet. Et les shubuhat, les ambiguïtés qu'il a réfutées dans cet ouvrage sont liées au tawhid et aux arguments avancés par les gens de l'égarement et de l'innovation qui justifient l'adoration des tombes et des mausolées ainsi que l'invocation des saints et des walis, comme cela est répandu dans nombre de pays musulmans, Wallahu al-musta'an. L'auteur, rahimahullah, a commencé son livre par une introduction importante dans laquelle il expose clairement quelle est la religion des envoyés d'Allah, alayhimu salatu wassalam, qui est la religion de vérité, et quelle est la religion des polythéistes, ainsi que leur situation, ce vers qui les messagers alayhimu salatu wassalam ont été envoyés. Et son objectif à travers cela est que l'on puisse bien distinguer et comprendre la différence principale qu'il y a entre la religion de vérité, qui est la religion des prophètes alayhimu salatu wassalam, et la religion du faux et de la mécréance et du polythéisme, qui était celle de ceux vers qui ils ont été envoyés. Et il a fait suivre cette introduction d'une réponse générale aux ambiguïtés des polythéistes avant de réfuter plus d'une dizaine de leurs shubuhat, plus d'une dizaine de leurs ambiguïtés, une à une, de façon détaillée, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Nous allons donc commencer ensemble la lecture de ce livre et je vais tout d'abord lire les différents passages de ce livre en arabe, puis en faire une traduction rapprochée accompagnée de quelques explications, incha'Allah ta'ala. Il a donc commencé par dire « Bismillahirrahmanirrahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comme à son habitude, l'auteur, rahimahullah ta'ala, commence cet ouvrage par la basmala. La basmala qui consiste à dire « Bismillahirrahmanirrahim ». Et on a déjà vu dans des cours précédents les raisons qui poussent les gens de science à commencer leurs livres et leurs ouvrages par cette parole. Premièrement, ils font cela à l'exemple du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an, qui commence par la basmala. Et toutes les sourates du Qur'an sont précédées de la basmala, à l'exception de sourate at-Tawbah. Deuxièmement, ils font cela à l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, lorsqu'il ordonnait d'écrire des lettres qu'il envoyait aux différents rois pour les appeler à l'islam, ordonnait qu'il soit écrit au début de ces lettres « Bismillahirrahmanirrahim ». Et ceci est même une habitude des prophètes et des messagers alayhim salatu wassalam qui l'ont précédé, à l'exemple de Sulayman alayhis salam, comme on le trouve dans Surat An-Naml, lorsqu'il a écrit cette lettre à la reine de Saba. Et celle-ci commençait par « Innahu min Sulayman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ». Cette lettre vient de Sulayman et il est écrit « Bismillahirrahmanirrahim ». Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceci fait donc partie de la sunna et des habitudes des prophètes et des messagers alayhim salatu wassalam. Troisièmement, ceci est l'habitude des gens de science, de commencer leurs ouvrages par cette parole afin de rechercher la bénédiction en commençant par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi afin de demander et implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il s'apprête à écrire. Ceci sont donc certaines raisons qui ont poussé l'auteur rahimahullah ta'ala à commencer cet ouvrage ainsi que nombre de ses autres écrits par la basmala. Ensuite, il a dit I'lam rahimakallah anna at-tawhid huwa ifradullah subhanahu bil ibada. Sache qu'Allah te fasse miséricorde que le tawhid est l'unicité d'Allah ou consiste à unifier Allah par l'adoration ou dans l'adoration. Il commence donc par dire « I'lam », sache, c'est-à-dire apprends ce qui va suivre. Sois attentif à la science qui va être présentée dans les lignes qui suivent. Le Shaykh, rahimahullah ta'ala, il cherche ici à attirer ton attention, te faire savoir que ce dont il va te parler est d'une grande importance, que tu dois te concentrer, chercher à savoir, à apprendre et à connaître ce qui va suivre. Puis il invoque en ta faveur et il dit « Rahimakallah », qu'Allah te fasse miséricorde. Une invocation en faveur de tout lecteur et de tout étudiant. Et on voit à travers cela qu'il fait preuve de douceur et de bienveillance. Et cela nous montre qu'il souhaite le bien pour les gens à qui il s'adresse. Et c'est ainsi que doit se comporter toute personne qui souhaite être une cause de guider pour les gens. Leur montrer que tu ne veux pas leur mal, mais que tu veux leur bien, que tu recherches à les conduire vers la voie du bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Il dit donc qu'Allah te fasse miséricorde. Et quel est le sens de cette parole, rahimakallah? Le shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit dans le commentaire de ce livre, au sujet du sens de rahimakallah, que cela signifie qu'Allah te pardonne tes péchés passés et qu'Allah t'accorde la réussite et t'en préserve à l'avenir. Ceci est le sens de la rahma lorsqu'elle est mentionnée seule. Puis il dit, rahimahullah, et lorsqu'elle est mentionnée avec al-maghfira, le pardon. Alors la maghfira, le pardon, concernera les péchés passés. Et la rahma, la miséricorde, concernera la réussite dans le bien et la préservation des péchés à l'avenir. Fin de citation de la parole du shaykh, rahimahullah ta'ala. Donc on voit que ceci est une invocation immense que le shaykh fait en ta faveur. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne tes péchés passés et qu'à l'avenir, il t'accorde la réussite, c'est-à-dire qu'il te facilite le bien et qu'il te préserve de commettre d'autres péchés. Il dit donc, sache qu'Allah te fasse miséricorde, apprends cette question importante et cette science qu'il va aborder, que le tawhid consiste à unifier Allah dans l'adoration. Tu dois savoir cela avec certitude. Tu dois donner de l'importance à cette question fondamentale qui est la base de notre religion. Le sens du tawhid, qu'est-ce que cela signifie? Le tawhid, il consiste à reconnaître que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, à reconnaître l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et à n'adorer nul autre que lui. C'est cela le tawhid. C'est cela la base fondamentale de notre religion. C'est sur cela que repose tout le reste. Si cette base est absente, alors, aussi haut puisse être l'édifice que tu cherches à construire, il ne tiendra pas mais il va s'effondrer et sera poussière éparpillée. Car la validité de l'ensemble de tes œuvres repose sur cette base, ce fondement capital qui est la base de notre religion. Et le Cheikh, rahimahullah, dès la première phrase de cet ouvrage, il commence déjà à réfuter une des ambiguïtés principales des polythéistes et plus particulièrement des adorateurs de tombes parmi ceux qui s'affilient à l'islam, qui prétendent que le tawhid consiste seulement à reconnaître la seigneurie d'Allah. C'est-à-dire que pour eux, lorsqu'ils parlent de tawhid, ils vont expliquer que unifier Allah signifie reconnaître et avoir la conviction qu'Allah est le Seigneur, le seul Créateur, le seul à donner la subsistance, le seul à posséder toutes choses dans cet univers, et le seul à administrer toutes choses. Donc ceci est une chose vraie. Ceci est une des catégories de tawhid, l'unicité dans la seigneurie. Et cela est admis par tout musulman. Et plus encore, même les polythéistes des premiers siècles jusqu'à nos jours, comme va nous le détailler l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans les lunes suivantes, ils reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur. Nul doute à ce sujet. Donc reconnaître l'unicité dans la seigneurie, reconnaître qu'Allah est le seul créateur, le seul à administrer tout dans cet univers, cela ne fait pas de l'homme un mouahid, cela ne fait pas de l'homme un monothéiste, ni un musulman. Mais pour être un mouahid, pour être un monothéiste, pour entrer en islam, pour faire partie des adeptes de cette religion, la religion de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour concrétiser le tawhid, il est indispensable de vouer un culte exclusif à Allah dans l'adoration et de ne lui donner aucun associé. Et c'est à ce sujet que les messagers, alayhim salatu wassalam, ont divergé avec leur peuple. Ils n'ont pas divergé avec eux concernant l'existence d'Allah ou le fait qu'Allah soit le seul créateur, le seul à donner la subsistance et ainsi de suite, non. Ils ont divergé avec eux au sujet du droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'adoration. C'est pour cela que le Shaykh rahimahullah ta'ala nous dit ensuite « I'lam rahimakallah anna at-tawhid huwa ifradu Allah subhanahu bil ibada » Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le tawhid est l'unicité d'Allah dans l'adoration. « Wa huwa dinu ar-rusul alladhi arsalahum Allah bihi ila ibadi » Et c'est la religion des messagers par laquelle Allah les a envoyés à ses serviteurs. C'est-à-dire que tous les messagers, alayhim salatu wassalam, ont été envoyés avec ce fondement immense, qui est le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 36 de surat al-Nahl, « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ » Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour les appeler à quoi? Pour leur dire, adorez Allah, vouez un culte exclusif à Allah et écartez-vous du tarout, écartez-vous du shirk, écartez-vous de toute chose qui est associée à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, au verset 25 de Surat al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler qu'il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, sauf moi, adorez-moi donc. C'est-à-dire, vouez-moi donc un culte exclusif dans l'adoration. On voit donc que le tawhid, c'est le sens même de cette parole, cette attestation de foi qui est le premier pilier de notre religion. La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Car il y a d'autres dieux, il y a d'autres choses qui sont adorées par les hommes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces faux dieux, ces fausses divinités ne sont pas en droit d'être adorés. Donc il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, sauf qui ? Sauf Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul en droit d'être adoré. Et celui à qui ce tawhid fait défaut, celui qui ne voue pas un culte exclusif à Allah dans l'adoration, même s'il adore Allah, s'il adore en parallèle autre que lui, alors c'est un mushrik, c'est un polythéiste, c'est un kafir, un mécréant. Il ne fait pas partie du nombre des musulmans. Même s'il reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, ainsi que dans les noms et attributs. Même s'il dit « Allah est le seul créateur ». Même s'il dit « Allah est le seul à me donner ma subsistance ». Même s'il dit « Allah est le seul à avoir créé l'univers et à tout administrer dans l'univers ». Même s'il reconnaît cela et en a la certitude, et qu'il le clame haut et fort, à partir du moment où il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, en vouant à autre qu'Allah une quelconque forme d'adoration, quelle qu'elle soit, que ce soit une prière, une inclination, une prosternation, un sacrifice, une invocation, un vœu ou autre parmi les formes d'adoration, s'il voue une seule de ces adorations à autre qu'Allah, alors c'est un mushrik kafir, un polythéiste mécréant. Le tawhid consiste donc à vouer un culte exclusif à Allah dans l'adoration. Et on a dit que c'est la religion de tous les messagers alayhim salat wa salam. Le premier d'entre eux est Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à son sujet: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. Nous avons certes envoyé Nuh à son peuple. Et il leur dit, je suis pour vous un avertisseur explicite, afin que vous n'adoriez qu'Allah. Afin que vous n'adoriez qu'Allah. Ceci est le message de Nuh alayhi salam à son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, au sujet de Hud, qui a été envoyé au peuple de Ad, wa ila Ad, akhahum Huda. Et à Ad, nous avons envoyé leur frère Hud. Qala ya qawmi abudullah. Il leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous un culte exclusif à Allah. Vous n'avez pas d'autre Dieu en dehors de lui. Il est le seul qui mérite d'être adoré. Il dit subhanahu wa ta'ala au sujet de Salih, wa ila Thamud, akhahum Saliha. Et au peuple de Thamud, nous avons envoyé leur frère Salih. Qala ya qawmi abudullah, ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez Allah, vouez un culte exclusif à Allah. Vous n'avez pas d'autre Dieu en dehors de lui. Et il dit au sujet de Shu'aib, alayhi salam, wa ila Madian, akhahum Shu'aiba. Et à Madian, nous avons envoyé leur frère Shu'aib. Qala ya qawmi abudullah, ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu en dehors de lui. Méditez sur tous ces versets que l'on vient de mentionner. À aucun moment ces prophètes wassalam, n'ont dit à leur peuple « Vous n'avez pas d'autre créateur en dehors d'Allah. Vous n'avez pas d'autre pourvoyeur en dehors d'Allah. » Non. Leur message à tous est l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration et d'avertir leur peuple contre le fait de donner un quelconque associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Le tawhid est donc la religion de tous les messagers alayhim salatu wassalam. Et le tawhid consiste à unifier Allah dans l'adoration, à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et quiconque voue ne serait-ce qu'une seule adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est alors tombé dans le shirk, dans le polythéisme, contre lequel ont averti les messagers alayhim salatu wassalam, et ceux du premier jusqu'au dernier. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit ensuite, فأولهم نوح عليه السلام. Le premier d'entre eux est Nuh alayhi salam. C'est-à-dire que Nuh est le premier des messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire après l'apparition du polythéisme sur terre. Le shaykh Muhammad ibn Abdul Aziz Mani' rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet, c'est-à-dire qu'il est le premier des messagers qu'Allah a envoyé pour appeler leur peuple à l'unicité d'Allah et leur interdire de lui donner des associés. Quant au premier des prophètes, de façon absolue, c'est Adam, alayhi salam. Fin de citation de la parole du Cheikh, rahimahullah. Donc Adam, alayhi salam, c'est le premier des prophètes. Et Nuh, alayhi salam, c'est le premier des messagers envoyés aux gens sur terre après l'apparition du polythéisme. Et à partir de cela, on comprend l'erreur de certains historiens qui ont dit que Idris, alayhi salam, a précédé Nuh, alayhi salam, car il n'y a pas eu de messager envoyé aux gens sur terre avant Nuh, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyin min ba'di. » Nous t'avons certes fait une révélation, c'est-à-dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons fait à Nuh et aux prophètes après lui. C'est-à-dire à Nuh qui est le premier et ceux qui l'ont suivi. Et dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, dans le récit de la shafa'a, de l'intercession qui aura lieu au jour de la résurrection, il est mentionné que les gens se dirigeront vers Nuh alayhi salam et lui diront « Tu es le premier des messagers qu'Allah a envoyé aux gens sur terre. » Donc Nuh alayhi salam est le premier des messagers et il n'y a pas de messager avant lui à l'unanimité des gens de science, comme cela est démontré par les textes du Coran et de la Sunna. L'auteur rahimahullah ta'ala a donc dit فَأَوَّلُهُمْ Nuh alayhi salam, le premier d'entre eux est Nuh alayhi salam, أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمِهِ لَمَّا غَلَوْ فِي الصَّالِحِينَ. Allah l'a envoyé à son peuple lorsqu'ils ont exagéré au sujet des vertueux. Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'uq et Nasr. Ce sont les vertueux au sujet desquels le peuple de Nuh, alayhi salam, a exagéré. Qu'est-ce que cela signifie qu'ils ont exagéré? Cela signifie qu'ils ont dépassé les limites à leur sujet. En adoptant pour croyance et en ayant la conviction que ces vertueux qui étaient morts pouvaient leur être utiles ou leur nuire en dehors d'Allah. Et ils ont été poussés à cela par le diable, comme on a vu cela en détail dans Kitab al-Tawhid, dans le chapitre intitulé « La cause de la mécréance des enfants d'Adam et de leur délaissement de la religion et l'exagération à l'égard des vertueux ». Et je vous invite à y revenir pour plus de détails. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse ici, c'est que Nuh, alayhi salam, est venu appeler son peuple à délaisser l'adoration de ses vertueux et à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après lui, les messagers se sont succédés les uns après les autres pour appeler à vouer un culte exclusif à Allah et pour interdire le shirk. Et le shaykh, rahimahullah ta'ala, de nous dire « Wa akhir rusul Muhammad » sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier des messagers est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de prophète après lui. Il est le dernier des prophètes et des messagers alayhi musallatu wa sallam. Wa huwa alladhi kasara suwara haula'i salihin. Et il est celui qui a cassé les représentations de ses vertueux. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la conquête de la Mecque, lorsqu'il est revenu à Mecca, après avoir émigré à Médine, afin de la reprendre des mains des polythéistes. Ce jour-là, il est entré dans la Kaaba et il trouva autour d'elle 360 statues qui étaient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il les a brisées, sallallahu alayhi wa sallam, et les a cassées l'une après l'autre, en récitant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. et dit « La vérité est venue, et le faux a disparu, et certes le faux est voué à disparaître. » Donc ces vertueux qui ont été représentés sous forme de statues qui étaient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis l'époque du peuple de Nuh alayhi salam, ces statues ont ensuite été enfouies sous terre. Puis, elles ont été retrouvées et leur adoration a été revivifiée par un homme du peuple de Quraysh qui les a ramenées à la Mecque et en a fait des idoles adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celles-ci ont été brisées et détruites par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah, va nous expliquer la situation des gens du peuple de Quraysh vers lequel notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, afin que l'on comprenne la nature et la base de son message sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fondement et la chose la plus importante de notre religion. Et on verra cela, incha'Allah ta'ala, dans le cours de demain, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le permette et nous facilite. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayraa.